FrenchPod.com. Excusez-moi, vous pouvez prendre une photo, s'il vous plaît? Oui. Vous êtes prête? Attendez. C'est bon. Un, deux... Hé! Qu'est-ce que vous faites?